Hallelujah. Amen. Father, in the name of Jesus, we want to thank you for tonight. We want to bless your holy name. We want to give you all the glory. We thank you for an opportunity to receive a word that will change our lives. Father, we pray that your spirit will be here. May your spirit come mightily to bless us, to change us. Father, we give you glory in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Do you like the song? Aimez-vous le chant? Okay. Christ est ma récompense et la joie de mon salut. Christ est ma récompense et toute ma dévotion. Maintenant, il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Dans chaque épreuve, mon âme chantera pas de retour. Je suis libéré. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est tout pour moi, Christ est tout pour moi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ est mon tout en tout, la joie de mon salut. Et cet espoir n'échouera pas. Le ciel est notre maison. Entre les tempêtes. En chaque tempête, mon âme chantera. Jésus est ici. À Dieu soit la gloire. Christ est tout pour moi. Ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ, Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin, Christ, Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, j'ai bien décidé. Suivre Jésus, pas de retour, pas de retour. J'ai bien décidé de suivre Jésus, pas de retour, pas de retour. La croix devant moi, le monde derrière moi, pas de retour. Pas de retour, la croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, pas de retour, pas de retour, la croix devant, la croix devant moi, le monde derrière moi, pas de retour, pas de retour, oh, la

entre chaque tempête. Mon âme chantera, Jésus est ici. À Dieu soit la gloire. Christ est mon tout en tout. Christ est mon tout en tout. La joie de mon salut. Et cet espoir. Et cet espoir n'échouera pas. Le ciel est notre maison. Entre chaque tempête. Entre chaque tempête. Mon âme chantera. Jésus est ici. À Dieu soit la gloire. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh Christ, Christ. J'ai décidé de suivre Jésus, pas de retour, pas de retour. J'ai bien décidé de suivre Jésus, pas de retour, pas de retour. La croix devant moi, le monde derrière moi. Pas de retour, pas de retour. La croix devant moi, le sang derrière moi. Pas de retour, pas de retour. Oh Christ, Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Give you all the glory. All that we need is in you. Father, you are the only one who satisfies us. Father, we bless you. You are all in all. The joy of our salvation. Father, we bless you. We give you all the glory in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah, tonight we want to just receive a short message before we go home. Ce soir, nous voulons juste recevoir un court message avant de rentrer à la maison. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous ici? Are you happy to be here? Êtes-vous content d'être ici? Why is it that you are hiding there? Pourquoi est-ce que vous vous cachez là-bas? Because you are children of Adam and Eve. Parce que tu es un enfant d'Adam et Eve. When God came, they were hiding. Quand Dieu est venu, ils se sont cachés. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Okay. Why anakazo is important? Pourquoi est-ce que anakazo est important? Hallelujah. Amen. Why anakazo is important? Pourquoi est-ce que anakazo est important? For evangelism. Ou l'évangélisation. For soul winning. Pour gagner des âmes. Hallelujah. Amen. For the church. Pour l'église. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Anakazo. Anakazo. Who doesn't know what is anakazo? Qui ne connaît pas c'est quoi anakazo? Okay, Luke chapter 14 verse 16. Luke chapitre 14 verset 16. Hallelujah. Amen. Luke chapter 14 verse 16. Luke 14 verset 16. Okay, then said he unto him, a certain man made a great supper and bade many, and sent his servants at supper time to say to them that they were bidden, come, for all things are now ready. And they all, with one consent, began to make excuse. The first said, I've bought a piece of ground. I must need go and see it. I pray thee, have me excuse. And another said, I bought 5 yoke of oxen, and I'll go to prove them. I pray thee, make me, have me excuse. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So the servant came and showed his lord these things, and the master of the house, being angry, said unto the servant, go quickly into the streets and the lane of the city, bring in hither the poor and the maimed and the halt and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is still room. There is room. And the Lord said unto the servant, go into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you that none of those men which are bidden shall taste of this, of my supper. Luc 14, à partir du verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Alléluia. Amen. Yeah, shall we clap for the worship choir? They are trying, they are doing their best. They are doing their best because the song is not an easy song. Parce que le chant n'est pas facile, le chant que Praise and Worship a chanté. Yeah, so they are doing well. Hallelujah. Yeah, ils sont sortis. I want you to learn the drama. Je veux que vous appreniez. Learn how to play gently. Je veux que vous appreniez à jouer la batterie avec douceur. Hallelujah. Amen. So that the song will be nicer. Afin que le son soit plus beau. Hallelujah. Amen. Do you understand? Yeah, it'll be nicer. Ce sera when plus it's joli. Gentle. When we hear the words, it's better than hearing only the drums. Quand nous écoutons les paroles, c'est mieux que juste écouter la batterie. Hallelujah. Amen. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? So let's learn. Hallelujah. Donc, apprenons. Yeah, so anakazo. Donc anakazo. We see anakazo in this passage. Nous voyons anakazo dans ce passage. Verse 24. And the Lord said unto the servant, go out into the hedges and the highways and compel them. On voit anakazo dans ce passage où le Seigneur a dit à son serviteur, va dans les chemins le long des reins et contrains-les. Hallelujah. Amen. So anakazo is the word compel. Donc anakazo c'est le mot contraindre. Hallelujah. Amen. Compel. Contraindre. Compel. Contraindre. Force. Forcer. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Force them. Les forcer. Try hard. Essayez dur. Try hard. Hallelujah. To bring them. De les amener. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, so anakazo, if you've never heard of anakazo, don't forget Luke chapter 40 verse 24. Donc si tu n'as jamais entendu parler d'anakazo, n'oublie pas Luc chapitre 14 verset 24. Hallelujah. Verse 23, compel. Contraint. Compel. Contraint. Hallelujah. Amen. Compel. Contraint. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? So we need anakazo. Donc nous avons besoin d'anakazo. For evangelism. Pour évangéliser. For the church. Pour l'église. To win souls. Pour gagner des âmes. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. And why do we need an akazo? Et pourquoi avons-nous besoin d'un akazo? You know, an akazo means to force. Vous savez, an akazo veut dire forcer. To force. Forcer. To compel. Obliger. To force the people. Forcer les gens. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So why? Donc pourquoi? I'll give you some few reasons, then we go home. Je vais vous donner quelques raisons et nous allons rentrer à la maison. The first reason. La première raison. Is that a certain type of evangelism? C'est que un certain type d'évangélisation. Is not going to work. Ne va pas fonctionner. In this present day. Dans ce monde présent. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. See that people have, you know, people go to church and they play games. Ouais, que les gens vont à l'église, ils font des jeux, ils ne sont pas sérieux. They know that they have to go to church. Ils savent qu'ils doivent aller à l'église. They know that they have to give their life to Christ. Ils savent qu'ils doivent donner leur vie à But Christ. Mais they are just playing around. Ils jouent juste, ils s'amusent. So if you don't use an akazo, donc si tu n'utilises pas un akazo, si tu ne les forces pas, if you don't force them, si tu ne les forces pas, they will not come. Ils ne vont pas venir. You know the story is like it's the Lord who is inviting us. Tu vois, cette histoire, c'est le Seigneur qui nous invite. He's inviting us. Il nous invite to receive salvation. À recevoir le salut. He's inviting us to the great supper. Il nous invite au grand souper. Hallelujah. Amen. But people are giving excuses. Mais les gens donnent des excuses. So we need, it's very important. Donc nous avons besoin so de ça, c'est type très of, important. Oh, come. Oh, give your life to Christ. Un certain type de oh, viens. Oh, donne ta vie à Christ. Will not work. Ça ne va pas fonctionner. You have to. Your message of salvation has to be forceful. Ton message du salut doit être obligatoire. Hallelujah. Are you with me? That is to be forceful, to be very compelling. Ça doit être très contraignant. Hallelujah. Amen. That the person will feel that it's very, very important the person has to give a life to Christ. Et que la personne va ressentir que c'est très, très important qu'elle donne sa vie à Christ. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So it has to be forceful. Donc ça doit être contraignant. A second reason. La deuxième raison. Hallelujah. Many people, plusieurs personnes, that need the gospel, qui ont besoin de l'évangile, are not in the places where, or are in places where they are. Okay, are not in places where they can receive invitations. Plusieurs personnes qui ont besoin de l'évangile ne sont pas aux endroits où ils peuvent recevoir le salut. Hallelujah. Mm. Are you with me? Êtes-vous avec moi? They are not that they will receive invitation. Ils ne sont pas à un endroit où ils peuvent recevoir des invitations. Amen. Amen. Yeah. Yeah. So if the gospel is going to touch them, donc si l'évangile va les toucher, they have to go to places. Donc tu dois aller dans les endroits. Hallelujah. In the story, go to the highways. Dans l'histoire, va to le byways, sur les chemins, le long des haies. Go to the gutters. Va dans les go gotas, to Alajo. Va à Alajo. Alajo. Inside, va à l'intérieur d'Alajo. Alajo, taxi rank. Va à Alajo, taxi rank. Trotro station. Hallelujah. You have to go to the houses. Tu dois aller dans les maisons. You have to go to the schools. Tu dois aller dans les écoles. Hallelujah. Amen. And this week we are doing a carnival of stars. Et cette semaine nous faisons le carnaval des stars. Hallelujah. Amen. That's an akazo. C'est ça un akazo. Because when you are inviting them, they are not coming. Mais quand je les invite, so ils we ne are viennent taking pas. Carnival of stars to the place. Donc on amène le carnaval des stars à l'endroit. That's one of the strategies for an akazo. Ça c'est l'une des stratégies pour un akazo. Because where they are. Parce que où ils sont. If you don't go there. Si tu ne vas pas là-bas, ils ne vont pas venir. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. You have to go where they when you send invitation, they won't come. Donc tu dois partir parce que quand tu envoies les invitations, ils ne vont they pas venir. Come. Ils ne vont pas venir. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. Hallelujah. Are you with me? Amen. So we can't sit in the church. Donc nous ne pouvons pas nous asseoir dans l'église. Or we can't be at home. Ou nous ne pouvons pas être à la maison. And we say, okay, come. You call the person also come to church. Et donc tu vas appeler la personne ou viens à l'église. No, that non. Invitation will not work. Cette invitation ne va pas fonctionner. Have you tried before? Vous n'avez pas essayé ça déjà? Did they come? Est-ce qu'ils sont venus? Most of them didn't come. Plusieurs d'entre eux ne sont pas venus. Yeah. So you have to go. Donc tu dois aller et les apporter. Hallelujah. You have to go and bring them. examiner. Dans leur coin. In their room, you have to knock at the door. Dans leur chambre, tu dois cogner sur la porte. In the morning, le matin. Please get up. S'il te plaît, lève-toi. Hallelujah. Amen. This day they will switch off their phones. Ces jours, ils vont éteindre leur téléphone. So you see that even the cork, right, don't go. Donc tu vois même que la paix, ça ne va pas passer. So you need an akazo. Donc tu as besoin d'un akazo pour aller là-bas. Yeah. This day's invitation are not working. Ces jours, les invitations ne fonctionnent pas. Invitations are not working. Les invitations ne marchent pas. You do a nice card. Tu vas faire une jolie carte. Come. Viens. Put the invitation card somewhere. Ils vont mettre l'invitation quelque part. Hallelujah. Are you with me? Êtes-toi avec moi. Yeah. So an akazo, you have to go. Donc an akazo, tu you dois have to wait partir. For the person. Tu dois attendre la personne. Bath. Lave-toi. I'm ironing your dress, so bath. Je repasse tes habits, donc lave-toi. I'm waiting. I'm ironing. J'attends. So bath. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-toi avec moi. I said, okay, it's not, there's no light. Il dit, okay, y a pas le courant. Okay, we are wearing, it's dressed down. So take any shirt, t-shirt, okay. We are going. Nous sommes en dressed down. Donc prends n'importe quel t-shirt. Now you understand why we are dressing down. Non, maintenant tu comprends pourquoi nous sommes en dressed down. So the person will say, oh no, I don't have a nice dress. My dress, there's no, it's doomsaw. There's no light. So I can't iron my things. I can't go to church. No. You don't need to iron. Take the jeans. Et quand la personne va dire, oh non, il y a la coupure, je ne peux pas repasser mes habits, tu vas dire, oh non, prends le jean. And take a t-shirt. And let's prends go. Le t-shirt et allons-y. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. I remember Collegono. Je me souviens à Collegono. We do an akazo. On faisait un akazo. You know, the French church, it would be very, a bit difficult to do an akazo. Les églises francophones, ce serait un peu compliqué de faire un akazo. To do that type of an akazo. De faire ce genre d'un akazo. Yeah. In the morning, we come Sunday morning. Le dimanche matin, nous venons. Then we do praise and worship. Et on fait la louange et l'adoration. When we finish praise and worship, quand on finit la louange et l'adoration, we stop the church. On arrête l'église. Then we go into the area. Et on va dans l'endroit, dans les on the streets. Dans les rues. We go and bring people. On va aller porter les gens. Yeah, have you seen some before? Vous avez vu ça? Have you seen some déjà? Before? Vous avez vu ça? Who has not seen some before? Qui n'a pas encore vu ça? Yeah. We move out Sunday morning after praise and worship, then we all go out. Dimanche matin, après la louange et l'adoration, nous allons tous dehors. Then we go and call people. You ask, oh, where are you going? Okay, let's come to church. Bring on people. Dit, oh, they are in Chaliwate. They are in slippers. On va dire, oh, qu'est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Viens. Ils sont en babouche. Hallelujah. Some of them are in shorts. D'autres sont en shorts. They are all in church. Some are drunk. Ils sont tous à l'église. D'autres sont bourrés. Hallelujah. Some of them are coming from nightclubs. Certains viennent des boîtes de nuit. We all call all of them. Tous. The whole church was full. Et toute l'église était remplie. Yeah. Anakazo. Anakazo. Yeah. Are you with me? Est-ce que vous êtes because avec if moi? You don't do that, they won't come. Parce que si tu ne fais pas ça, ils ne vont pas venir. They won't come. Ils ne vont pas venir. Hallelujah. Amen. So for our vessels. Donc pour nos cellules. The reason why your vessels are not growing. La raison pour laquelle ta cellule ne grandit pas. C'est parce que tu n'utilises pas anakazo. Hallelujah. Amen. You have to make the vessel very important. Tu dois rendre la cellule très importante. You go and sit there and say, Charlie, this vessel is going to be, it's going to bless you today. Tu vas aller t'asseoir là-bas et tu dois dire, it's going to bless you. Cette cellule va te bénir aujourd'hui. So I'm not going. We are all going today. Donc je ne rentre pas. On va tous aller aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Or Sunday, we are going Sunday. We are going to church. Ou dimanche, tu dis, nous allons. You're going to receive a word that will change your life. Nous allons recevoir une parole qui va changer nos vies. You sit down, I'm waiting for you. Donc je m'assois et je t'attends. Hallelujah. Amen. You go because in the morning if you don't go, they won't come. Parce que le matin si tu ne pars pas, ils ne vont pas venir. Last week a lot of people didn't come. La semaine passée plusieurs personnes ne sont pas venues. Because they didn't go, we didn't go and call them. Parce que nous ne sommes pas allés les appeler. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Even some of the basket leaders, they didn't come. Même certains des leaders de cellules ne sont pas venus. Those basket leaders, I'll sack them. Ces leaders de cellules, je vais les chasser. There are no more basket leaders. Ils ne sont plus leaders de cellules. Huh? Stéphane. Stéphane. Who are those basket leaders who didn't come to church qui on Sunday? Qui sont ces leaders de cellules qui ne sont pas venus dimanche? Hallelujah. Amen. Yeah. Before you are a basket leader, you must be an akazo person. Avant d'être un leader de cellules, tu dois être une personne an akazo. Yeah. Because you yourself, you have to an akazo yourself to come to church. Parce que toi-même, tu dois an akazo pour venir à l'église. Huh? Is he a basket leader who didn't come to church on Sunday? Hey! Est-ce que c'est possible qu'ils ne viennent pas à l'église le dimanche? Hallelujah. All of you amen. Here. Vous tous ici. Because you are here this Thursday. Tu es ici ce jeudi. Because you can be a bus leader. Parce que tu peux être un leader de Because cellule. If you can come Sunday. Parce que tu peux venir dimanche. And you can come on Thursday. Et tu peux venir jeudi. It means that you are a step ahead. Ça veut dire que tu es de l'avant, tu es un pas en avant. Yeah, you are a step ahead. Tu es un pas en avant. Yeah. Because you have overcome a lot of excuses. Parce que tu as surmonté plusieurs excuses. And you are here. Et tu es ici. Yeah. Who is here that you don't have anything to do at this time? Qui ici n'a rien à faire à ce temps, à ce moment? Who has something to do at this particular time? Qui a quelque chose à faire à ce moment précis? Who has something to do at this time? Qui a quelque chose à faire à ce moment? Ah! We have a lot of things, though. Nous avons plusieurs choses. But we overcome them and we are here. Et nous les avons surmonté et nous sommes ici. Hallelujah. Amen. It means that you have taken one step. Ça veut dire que tu as pris un pas. In Anakazo. Dans Anakazo. Hallelujah. Amen. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Like, this, despite all the things that are preventing you from coming, que malgré tout ce qui t'empêche de venir, you are here. Tu es ici. Because you apply Anakazo to your life. Parce que tu as appliqué Anakazo dans ta vie. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So this type of oh, come to church. Donc ce genre de oh, viens à l'église. Tomorrow we are going to church, so I'll meet you at the gate. Donc demain nous allons à l'église. Je vais te rencontrer au I'll portail. I'll meet you at the gate at Abelenkwe. Je vais te rencontrer au portail à Abelenkwe. It will not work. Ça ne va pas marcher. You have to go. Tu dois aller. Hallelujah. Amen. You have to go. Tu dois aller. Amen. Amen. And there's no problem with taxi. Il n'y a pas de problème avec les taxis. I hear that. Basically, they are saying that, oh no, I don't have money for taxi to carry my people. J'ai entendu que des leaders de cellules disent, oh, je n'ai pas l'argent pour venir avec mes gens. Who said that? Qui a dit ça? Who said that you are paying for taxi? Qui a dit que tu payes pour le taxi? Tell the taxi driver, don't worry, when we get there, we'll pay you. Dis au chauffeur de taxi, ne t'inquiète pas, quand on arrive là-bas, on va payer. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. The church, we have a bustle, a transport system. On a un système de transport. The whole church. Toute l'église. The whole church. L'église entière. One day we'll have a bus here. À Belenpe, belle église. Un jour nous aurons un bus ici à Belenpe, la belle église. Yeah. One day we'll have it. Un jour nous l'aurons. Yeah. Because Kodesh, they have it. Parce que Kodesh, ils en ont. They have bus. We too have ils ont bus. Des bus. Nous aussi, nous aurons des bus. Yeah, it's possible. C'est possible. It's possible. C'est possible. Yeah. And we'll have bus captains. Nous allons avoir des leaders de cellules. Bus captains. Ils auront des capitaines de bus. Yeah, bus captains. Les capitaines de bus. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. But for now, we use taxis. Mais pour le moment, nous utilisons des taxis. Yeah, if you have a lot of people. I remember some time ago, they picked bus from Alajo. Je me souviens auparavant, on payait des bus depuis Alajo. And they brought the people. I said, yes, this is the Et bus. Ils apportaient les choses. Ils disaient, oui. This is Anakazo. Ça, c'est Anakazo. Hallelujah. So, in your bus, don't say that we don't have money. Donc dans ta cellule, ne dis pas que nous n'avons pas d'argent. Oh? Ou bien. Don't say from today, don't say there's money. We'll pay. À partir d'aujourd'hui, il y a l'argent. On va the payer. Church will pay for the L'église transport. Va payer pour le transport. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. And you too, if you say you don't have money and you didn't come to church. Et toi aussi, si tu dis que tu n'as pas l'argent et tu n'es pas venu à l'église. We'll start to beat you. On va commencer à te taper. You say if somebody say that, oh, I don't have money, that's why I didn't come to church. You know, tell the person that you don't want to come. Si une personne te dit que je n'ai pas l'argent, voilà pourquoi je ne viens pas à l'église. Dis à la personne que tu n'as pas envie de venir. Yeah, it's not because you don't have money. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Yeah. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Because even if you ask somebody cry, you give him money to come. Parce que même si tu demandes à quelqu'un, il va so te donner l'argent pour shame. Venir. Donc c'est une honte. When I hear that, I'm even shy. Quand j'entends ça, j'ai même honte. Bah. Je dis, oh, toi, can you say that you don't have money, so you didn't come comment est-ce to que tu peux dire que tu n'as pas l'argent donc tu n'es pas venu à l'église? When there's a bus, quand il y a un bus, a free bus to carry you or a free taxi. Un taxi gratuit pour t'amener. Ah. Ah. When I hear that, then I'm feeling shy. Quand j'entends ça, je me sens, j'ai honte. Hallelujah. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So this type of evangelism invitation, it won't work. So we have to apply Anakazo. Ce genre d'invitation ne va pas fonctionner. Donc nous avons besoin d'utiliser Anakazo. Hallelujah. Amen. Anakazo is important. Anakazo est important. Amen. Amen. Yeah. Anakazo is important because. Anakazo est important parce que. Without anakazo. Sans anakazo. The church will be empty. L'église sera vide. Ah. Church will come and then there's nobody in the church. Tu vas venir et il n'y aura personne à l'église. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Without anakazo, fourth reason. La quatrième raison, sans anakazo. The church is going to die. L'église va mourir. We'll close down the church. Nous allons fermer l'église. Because there's nobody coming. Parce que personne ne vient. Yeah. I think that there are some branches that they've closed down. Je pense qu'il y a certaines branches qui ont fermé. Yeah. Some lighthouse branches. Certaines branches de lighthouse. That they are not growing. See that the church is dying. Parce qu'ils ne grandissent pas. And we are paying electricity. Meurt. Et nous payons l'électricité. We are paying a lot of things. Nous payons plusieurs choses. And the church is not growing. Mais l'église ne grandit we'll pas. Close down. Nous fermons. Hallelujah. Amen. Do you understand? Si vous comprenez. Yeah. Lighthouse, we are not afraid to close. À Lighthouse, on n'est pas, on n'a pas peur de fermer. And close down. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah. The fifth reason. La cinquième raison. Hallelujah. Amen. Why anakazo is important? Because life is becoming busier and busier. Anakazo est important parce que la vie devient de plus en plus chargée. Hallelujah. Amen. Yeah, it's becoming hectic. Ça devient chargé. Hectic. Hectic. Ça devient chargé. You don't know hectic. You don't know what hectic is. What? Yeah, hectic. Ça devient compliqué. Ça devient Hallelujah. Plus compliqué. Are you with me? Amen. Yeah. And so people will start to give excuses. Donc les gens vont commencer à donner des excuses. Amen. Amen. Yeah, because life is becoming hectic. Everybody is busy. Parce que la vie devient plus dure. Tout everybody le monde est occupé. Everybody leaves the house early, come late. Tout le monde quitte la maison tôt et rentre tard, fatigué. Hallelujah. Amen. So we need anakazo. Donc nous avons besoin d'anakazo. Yeah. We need anakazo. Nous avons besoin d'anakazo. Anakazo. Anakazo. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah. Sometimes you students, you say you are busy. Parfois, vous les élèves, vous dites que vous êtes occupés. I wonder how busy you are. Je m'étonne de combien vous êtes occupés. Huh? Just some few hours in the day, you say you are busy. Juste quelques heures dans le jour, tu dis que tu es occupé. Yeah. Abelengbe church should be full. L'église d'Abelengbe doit être remplie. Yeah. You are not busy. Oh. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas occupés. You are not busy. Vous n'êtes pas occupé. People who have started doing some attachment and he thought that he realized that it's busier to work than being a student. Qui a commencé à faire des stages et a remarqué que c'est plus compliqué de travailler que d'être un élève. She was hot. Oui, Daniel, elle était chaude. Hallelujah. Yeah. You see, that's not easy. Vous allez voir que c'est pas facile. It's not easy when you are working. C'est pas facile quand tu travailles. And it's not easy when you get married. C'est pas facile quand tu te maries. It's not easy when you have children. C'est pas facile quand tu as des enfants. Yeah, it's not easy when you have one child. C'est pas facile quand tu as un enfant. And it's not easy when you have two children. C'est pas facile quand tu as deux you enfants. You have three, you have tu four. Tu as trois, tu as quatre. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. Yeah. Hallelujah. Amen. So practical steps. This one's why. Why anakazo? Now, practical steps. Nous venons de voir pourquoi anakazo. Maintenant, on va voir les étapes pratiques pour faire anakazo. Practical steps. Les étapes pratiques. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Do you understand what we are preaching? Est-ce que vous comprenez ce que Do you like it? Est-ce que vous aimez? We are in evangelism period. Nous sommes dans la période d'évangélisation. So we are learning how to do evangelism. Donc nous apprenons comment évangéliser. Amen. Amen. We are learning how to be effective Christians. Nous apprenons comment être des chrétiens efficaces. Hallelujah. Mm-hmm. Yeah. Effective Christians are des chrétiens are efficaces. Christians who apply anakazo. Ce sont des chrétiens qui appliquent anakazo. If you don't apply anakazo, you can't be a good Christian. Si tu n'appliques pas anakazo, tu ne peux pas être un bon chrétien. Amen. Amen. And I want you to apply anakazo to yourself first. Et je veux que tu appliques anakazo à toi-même premièrement. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yourself first. Toi premièrement. Because you are not applying anakazo. Most parce que people toi, don't apply anakazo. Parce que plusieurs personnes n'appliquent pas anakazo. Yeah, most people. Plusieurs personnes. Yeah. Yeah. She applying anakazo. Elle a appliqué anakazo. In the worship choir. Dans la praise worship. So you see that worship choir is well organized. Donc tu vois que have you seen worship choir? They are well organized. Worship est bien organisé. They are on time. Ils sont à l'heure. Everybody has uniform. Tout le monde a l'uniforme. They are forcing difficult songs. They are singing les it. Les chants compliqués, ils les that chantent. That is an akazo. C'est ça, un akazo. The choir. La chorale. They need an akazo. Ils ont besoin d'un akazo. The choir. You need an akazo. Tu as besoin d'un akazo. You are not applying an akazo. Choir. Vous, vous la chorale, vous n'appliquez pas un akazo. Yeah. Yeah. You are not applying. Vous n'appliquez you pas see the dancers. Vous voyez les danseurs. They apply an akazo. Ils pratiquent un akazo. So you see that you dance, they apply an akazo. Donc quand ils dansent là, c'est parce qu'ils ont appliqué un akazo. Yeah. You are forceful. Tu te forces. Forceful. Tu te forces. I'm trying. It's hard, but I'm trying. C'est dur, mais je sais. That's an akazo. C'est ça un akazo. Yeah. Yeah. If you don't apply an akazo, you will fail. Tu n'appliques pas un akazo, tu vas échouer. Your school, you will fail. Dans ton école, tu vas échouer. Yeah. You have to apply an akazo. Tu dois appliquer un you akazo. You learn. Tu vas apprendre, apprendre. You wake up early and learn. Tu te lèves tôt et apprends. You can do it. Tu peux le faire. An akazo person said, I can do. Une personne à akazo dit, je peux le I faire. I can do. Je peux faire. I'm not discouraged. Je ne suis pas découragé. Yeah. I can do it. Je peux le faire. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, so steps. We're donc les étapes. An akazo man prepare himself. L'homme à akazo se prépare lui-même. Yeah, prepare himself. L'homme en akazo se prépare lui-même. You know, in the story of Luke chapter 14. Vous savez, dans l'histoire de Luc 14, he prepared a supper. Il a organisé un dîner. Yeah, he prepared. Il a organisé. Hallelujah. Amen. You are preparing. Donc tu te prépares. Preparation. Préparation. Hallelujah. It's very, very important c'est for an très, akazo. Très important pour un akazo. Amen. Amen. Most of you are in preparation. You are preparing yourself. Plusieurs d'entre vous êtes en préparation for greatness in pour the la future. Grandeur dans le futur. Hallelujah. Amen. Yeah, you are preparing yourself. Tu te prépares. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? Yeah. I see this guy. Ouais, he prepared himself. Ce jeune homme, il se prépare. When the other guy gone, is gone. Quand l'autre est parti, he can play. Il peut jouer. Yeah. He was learning. Il apprenait. Learning is part of il apprenait. L'apprentissage fait partie de la préparation. Your learning is preparation. Ton apprentissage c'est te préparer. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Learning songs. Apprendre les chants. Learning verses. Apprendre les versets. Hallelujah. Amen. Coming to church. Venir à l'église. Singing. Chanter. Evangelism. Évangéliser. They are all preparation. Praying. Ce sont tous des préparations. Prier. It's part of the preparation. Ça fait partie de la préparation. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. And we started organizing night school. Et nous avons commencé à organiser les classes de nuit. Yeah, night school, maturity class. La classe de maturité. Yeah, it's part of preparation. Ça fait partie de la préparation. You're preparing the people. Pour préparer les You're gens. Preparing yourself. Tu te prépares to toi-même. To be a strong person. À être une personne forte. To face challenges in the future. À surmonter les challenges dans le futur. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous so avec all moi? The things that oh do this, go here, come, they are all part of the preparation. Donc toutes les choses qu'on dit, fais ceci, va là-bas, viens, ça fait partie de la préparation. Hallelujah. Amen. Learn this, go and learn. I want people to learn drums. Apprends ceci. Je veux que plusieurs personnes apprennent la batterie. I want people to learn how to play piano. Je veux que plusieurs personnes apprennent comment jouer au piano. Hallelujah. Amen. Can you teach? Piano? Can you teach piano? Peux-tu enseigner can piano? You teach? Can you teach? Peux-tu enseigner? Yeah. Oui. People to start to learn how to play piano. Les gens commencent à apprendre comment jouer le piano. Amen. Amen. It's part of the preparation. Ça fait partie de la préparation. Preparation. I want people to join the worship choir. Je veux que les personnes joignent la praise and worship. Je veux que les personnes joignent the choir. Les danses. Je veux que les personnes rejoignent la chorale. Yeah. You know, see, and all those things help you. By the time you realize. You've discovered your call. Et toutes ces choses t'aident parce que d'ici que tu t'en rends compte, tu as découvert ton appel. Yeah. discover your call without even knowing. Tu as découvert ton appel sans le savoir. You don't need to wait for thunder and lightning. Tu n'as pas besoin d'attendre le tonnerre et les éclairs pour savoir que Dieu t'a appelé. Yeah. In all that you see, I discovered. Dans tout cela, tu découvres. Hallelujah. Amen. So preparation is very, very important. Donc la préparation est très, très importante. Amen. Amen. Second step, the first step is preparation. Deuxième étape, la première étape, c'est la préparation. Hallelujah. Amen. The second step. La deuxième étape. An akazo person does not keep to himself. Une personne en akazo ne garde pas tout sur. Ne garde pas tout pour elle. Does not keep to himself. No. Une personne en akazo n'est pas réservée. Yeah. Does not keep to himself. Une personne en akazo n'est pas réservée. Amen. Amen. Are you with me? Elle va avec moi. You don't keep to yourself. You move out. Réservée. Tu vas dehors. You move out. You don't keep to yourself, but you move out. Tu t'ouvres. Yeah, you move out. Tu t'ouvres. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. What did the person say? Go and they invited some people. Qu'est-ce que la personne dit? Va et invite certaines personnes. Hallelujah. Amen. But when the people didn't come, mais quand les gens ne sont pas he venus, moved out of the group of people that he invited. Mais quand la personne n'est pas venue, elle s'ouvre. When the people didn't come, quand les personnes ne sont pas venues, he moved out of the group of those people and went to the streets. Il est sorti du rang de ces personnes qu'il a invitées et il est allé dans les he rues. Went to invite the blind, et il a invité les aveugles, les infirmes. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, because the first people that he called were not blind. Parce que les premières personnes qu'il a appelées n'étaient pas aveugles. Were not lame. N'étaient pas infirmes. Yeah. But later realized, but the people are invited, they are not coming. So let's go out. Mais plus tard, il a réalisé que les personnes qu'il a invitées ne sont and, pas venues. And donc, ils sont allés hors. All sorts of people. Ils ont invité toutes sortes de personnes. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? It's like, oh, the people in your hostel, these are the people that you are inviting. C'est comme si les gens dans ton hostel, c'est ceux-là que tu invites. All the people that you know, you are inviting them. Then you invite them again, and they are not coming. Toutes les personnes que tu connais, tu les as invitées, invitées encore et encore, et ils ne viennent pas. Now move out. Donc, sors. Go to your school. Va à ton go to other école. People that you don't know. Va à des personnes que and tu ne connais pas. And you see that they are francophones. Et tu vas voir qu'ils but sont francophones. Church, mais ils ne vont pas à l'église. Donc je les invite. Amène-les. I hope you understand what I'm saying. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, so move out. Don't be close. You know, and just the people around you. You can't invite any other people. Some people, it's only Congolese that they know. Certaines personnes ne connaissent rien que les Congolais. Yeah. Go invite Gabonese. Va inviter les Gabonais. Va inviter les Ivoiriens. Va inviter les Ivoiriens. Oh? Ou bien? Yeah. Yeah. So move out of your Congolese group. Move out of your Gabonese group. Donc, move out of your Togolese group. Donc sors de ton groupe des Gabonais. Sors de ton groupe de Congolais. Et va plus loin que ça. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So don't keep to yourself. Donc ne sois pas enfermé. Amen. Amen. Are you with me? Yeah. Wow. The third reason. La troisième raison. We are closing soon. Nous terminons bientôt. An akazo person. Une personne en akazo. The third step, sorry. La troisième étape. An akazo person. Une personne en akazo. Does not cancel his meeting. N'annule pas sa réunion. Because I've seen some pastors, they cancel their meeting. Parce que j'ai vu certains leaders de cellules qui annulent la cellule. Hallelujah. Amen. Yeah. If you are the only person, you are the only person, you do the meeting. Si tu es seul, tu fais la réunion. Do it. If you're only one person, you do it. Si il y a juste une seule personne, tu fais la réunion. Hallelujah. Amen. Are you with me? Es-tu avec moi? Yeah. And the next step is that an akazo person does not want to have empty chairs. Et l'étape suivante, c'est qu'une personne en akazo ne veut pas avoir les chaises vides. Hallelujah. Amen. Yeah. So even before you come and then see empty chairs, you've gone out. Donc même avant que tu viennes et rencontres des chaises vides, tu vas dehors pour inviter les gens. Hallelujah. Amen. Are you with me? So you see the mind of an akazo person. Donc vous voyez la pensée d'une personne en akazo. He's trying to force. Il essaie de forcer. He's trying to do all that he can. Il essaie de faire tout ce qu'il peut. To have a meeting. Pour avoir une réunion. To have the program. Pour avoir le programme. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec That's moi? Why I like how you see that. There's, I mean, there should be something that will make us cancel our meeting. Même quand tu vas voir qu'à Light House, il faut qu'il y ait quelque chose pour que nous annulions notre réunion. Something very, very serious before we can cancel the meeting. Quelque chose de très, très sérieux avant d'annuler une réunion. Yeah, I remember when we had a flood in Accra. Je me souviens quand nous avons vu l'inondation à Accra. Yeah. It's that day. C'est ce jour. Then we cancel the meeting here. Qu'on annule la réunion ici. Either won't cancel. Mais avant ça, on n'est pas annulé. On ne va jamais annuler. Even on va venir. One person will be here. Même si c'est une seule personne, on va être ici. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? It's like we don't give up easily. C'est comme nous n'abandonnons pas facilement. Don't give up easily. N'abandonne pas facilement. You understand? So no, don't give up easily. I remember some time ago, some people came from, I don't know whether it's Congo or Gabon. Then they came here. Then it's like, oh, Accra is too hot. Je me souviens, certaines personnes sont venues du Congo ou du Gabon et arrivaient ici, ils disaient, oh, Accra est trop chaud. And then they left the school and they go on back. Et ils ont quitté l'école et sont rentrés à la maison. I was like, oh, didn't they pay plane tickets? J'étais, oh, ils n'ont pas payé beaucoup d'argent. Didn't they pay plane tickets? Ah, est-ce qu'ils n'ont pas payé le billet d'avion? Didn't they pay rent? Est-ce qu'ils n'ont pas payé le loyer? Didn't they pay school fees? Ils n'ont pas payé les frais de scolarité. And they gone back like that. Et ils sont rentrés comme ça. Small opposition, then you are gone. Petite opposition et tu es parti. Small challenge. Petit challenge. Then you're giving up. Et tu as abandonné. Yeah. I like the people who force. J'aime les personnes qui forcent. It's difficult. C'est difficile. But I say, I want to try. Mais j'ai dit, je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Yeah, those are the people who are real people. Ce sont des personnes qui sont réelles. Yeah. Can do people. Yeah. Une personne qui peut faire. Are you with me? Don't give up. Is it something small or then you are crying? N'abandonne pas facilement. Une petite chose, tu commences à pleurer. You are crying. Tu commences à pleurer. Hey. Oh. You go far. Tu ne vas pas aller loin. You go far. Tu ne vas pas aller loin. Because there are a lot of challenges in this life. Il y a plusieurs challenges dans cette vie. There are a lot of opposition. Il y a beaucoup d'opposition. That's why the government they are struggling. Voilà pourquoi le gouvernement everything ici sont en difficulté. Opposition doesn't like. Ceux qui font l'opposition n'aiment pas. They do, opposition that they like. Ceux qui font l'opposition even when n'aiment it's good, they don't like même it. Quand c'est bien, ils n'aiment pas. You understand what I'm saying? So that's how life is. Donc c'est comme you ça que la vie always est. Have opposition. Tu auras toujours you des oppositions. Always have difficulties. Tu vas toujours avoir you des difficultés. Always have challenges. Tu vas toujours avoir des challenges. That's why when you see oh, people come to church small, and then they say, oh, Pastor, we are going. Oh, we don't like the church again. They say, tu vas voir des gens venir à l'église et après ils seront là, oh, Pasteur, je vais partir, je n'aime plus l'église. Oh, une petite chose seulement. You are going. Et tu es en train de partir. Yeah. That's why these days we have a lot of divorce. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plusieurs divorces. Nous avons plusieurs ruptures. Break up, relationship, you take des ruptures. One, then you break up. Tomorrow, you take another one, you break up. Demain, tu prends une autre, tu romps. Après, tu prends une autre, tu romps. You marry. Tu te maries. Then you leave your husband, then you go to your family house. Tu laisses ton mari et tu vas à ta maison. You come back, they will come and beg you. On va te supplier, tu reviens. Small problem, then you're going back. Petit problème, tu repars. You carry your bag, you are going tu home. Prends ton sac. We need people who are strong. Nous avons besoin des personnes qui sont fortes. Who not easily give up. Qui ne vont pas facilement who abandonner. Make it work. Qui vont faire en sorte que ça marche. Hallelujah. Amen. You make it work. Qui vont faire que ça va marcher. Find ways. Tu vas trouver des moyens. Anakazo person will find ways, strategies to make it work. Une Anakazo trouve des moyens, des stratégies pour que ça fonctionne. Hallelujah. Amen. They have. I always say that they have here. Je dis toujours qu'ils ont ici. Your here is hard. Ton ici est dur. So that when you meet a challenge, donc quand tu rencontres un challenge, you challenge the challenge. Tu challenge le challenge. You say I will not give up. Tu dis je vais pas abandonner. I will try again. Je vais essayer encore. Yeah, I will try again. Je vais essayer encore. I will do it again. Je vais encore le faire. Yeah, do it again. Fais-le encore. Yeah, I will not stop. Je ne vais pas arrêter. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. Succeed. On va voir. It will do well. Ça va fonctionner. Yeah. It will work. Ça va marcher. Yeah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Life is full of challenges. La vie est remplie de challenges. God didn't promise that there won't be challenges. Dieu n'a pas promis qu'il n'y aura pas de challenges. But he promised that he will be with you in difficulties. Mais il a promis qu'il sera avec toi dans la difficulté. So when you face a difficulty, donc quand tu rencontres une difficulté, imagine God standing by you. Imagine Dieu être debout à côté yeah, de God toi. God is with you. Dieu est avec but that's toi. What he promised. C'est qu'il a promis. He didn't promise that there won't be problems. Il n'a pas promis qu'il n'y aura pas de problème. But he said that when there's a problem, I'm there with you. Mais il a dit que quand il y a un problème, I je suis avec leave toi. You nor forsake you. Je ne vais pas te laisser ou t'abandonner. That is promise. C'est ça la promesse. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. So don't easily give up. Donc n'abandonne pas facilement. Don't easily give up. Don't be discouraged. Ne sois pas découragé facilement. It's part of life. Ça fait partie de la vie. Yeah, it's part of life. Ça fait partie de la vie. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Go and ask the person who invented the light. Va demander à la personne qui a inventé la lumière. He tried so many times. Il a essayé plusieurs fois. Do you know the person who invented the light? Quand c'est la personne qui a créé la lumière? Qui? Yeah. Go and ask him. Oui, allez-y lui demander. He tried several times. Il a essayé plusieurs fois. Switch on, it didn't come. La lumière n'est pas venue. Switch on. Okay, let me try something. Switch on. Try again. Switch on. Il a essayé plusieurs fois. Il a essayé, ça ne vient pas. Plusieurs fois avant que la lumière est venue. Hallelujah. Amen. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? So all the successful people in this life. Donc toutes les personnes qui ont réussi dans cette vie. They failed. They've tried again. Ils ont essayé. Ils ont échoué. Ils ont encore essayé. Go this way. They'll go that way. Ils vont essayer une autre stratégie. Ils vont aller ici. Ils vont aller là-bas. Until it succeeds. Jusqu'à ce qu'ils réussissent. Yeah. Go and ask KFC. Now you go and you are eating KFC. Allez-y demander à KFC. Maintenant vous mangez KFC. Do you know how many times they tried? Vous savez combien de fois ils ont essayé? I think it's 49 times or how many times? Je pense 49 fois comme ça. Or 100 times. I forgot the number. Ou 100 fois. J'ai oublié. He will take his chicken. Go here. Il va prendre son poulet et amener ici. Ils ne vont pas acheter. Il va prendre son poulet et amener ça ici. Ils ne vont pas acheter. He will try again. Il va encore essayer. Until the last one. Jusqu'à la dernière fois. And it worked. Et ça a fonctionné. And look at you. Today you go there, KFC, and et voyez aujourd'hui. Aujourd'hui vous allez et vous mangez, vous mangez, vous mangez. Something small, no, then you stop. Petite chose, tu abandonnes. Hallelujah. Amen. You understand what I'm saying? Que tu comprends? That's an anakazo person. C'est ça une personne anakazo. And God is training us to be anakazo. Et Dieu nous forme afin que nous puissions être des personnes anakazo. Don't say that, oh, I'm a small girl. No. Ne dis pas, oh, je suis une petite fille. Non. The Bible says that he that's in you is greater than he that is in the world. La Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Hallelujah. Amen. So you have power. Donc tu as la puissance. You have the Holy Spirit. Tu as le Saint-Esprit en toi. To help you. Pour t'aider. Hallelujah. Amen. That's what Paul said. I can do all things. Voilà pourquoi Paul a dit, je peux faire toutes choses. Through Christ who strengthens me. À travers Christ qui me fortifie. Hallelujah. Amen. Yeah. If you don't give up, God will help you. Si tu n'abandonnes pas, Dieu va t'aider. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. An anakazo person is not overcome by excuses. Une personne anakazo n'est pas surmontée, n'est pas touchée par les excuses. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Excuses. Les excuses. Sometimes you that you are giving the excuses. Parfois tu donnes des excuses. Hallelujah. Mm-hmm. People are full of excuses. Les personnes sont remplies d'excuses. Yeah. Even today, because somebody gave an excuse. Même aujourd'hui, une personne a donné une excuse. Excuse. Les excuses. They will give it. Ils vont les donner. Hallelujah. Amen. They will give it. Ils vont les donner. They will give it. Excuse. Ils vont les donner les excuses. And then the next one. Et le suivant. Anakazo knows that excuses are empty. Une personne anakazo connaît que les excuses sont vides. Yeah. And the next one. Et le suivant. Anakazo person knows that excuses are lies. Et une personne anakazo sait que les excuses sont des mensonges. Hallelujah. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. They are lies. Ce sont des mensonges. Ils ne sont pas vrais. It's not true. Ce n'est pas vrai. Hallelujah. Amen. An anakazo person makes excuses and makes a way and does not give in to excuses. Une personne anakazo trouve des chemins et ne n'accepte pas les excuses. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. Yeah. Yeah. You think about that excuse that you gave. Pense à cette excuse que tu as donnée. That you can't do it. Que tu ne peux pas le faire. Think about it. Pense à cela. Is it really true? Est-ce que c'est vraiment vrai? The last time you said you can't come to church. La dernière fois que tu as dit que tu ne peux pas venir à l'église. Think about it. Pense à cela. If you want to come, couldn't you have come? Si tu voulais venir, ne serais-tu pas venu? Think about it. Pense à cela. Or? Ou bien? Are you thinking about it? Est-ce que tu penses à cela? Yeah. You know something? Vous savez une chose? Bishop always says that. L'évêque dit toujours que if you want to do it, si tu veux le faire, you make a way. Tu vas créer un chemin. But if you don't want to do it, et si tu ne veux pas le faire, you make an excuse. Tu vas faire une excuse, trouver une excuse. Because the excuse that you find, by all means, you find something to say. Parce que ce que tu vas par tous les moyens, tu vas trouver quelque chose à dire. Hallelujah. Are you with me? Es-tu avec moi? But if you really want to do it, si tu veux vraiment le faire, you bow. Always find a way. Tu vas par tous les moyens trouver. Like somebody who says, I don't have money to come to church. Comme une personne qui dit, je n'ai pas l'argent pour venir à l'église. If you want to come, you find a way. Si tu veux venir, tu vas trouver un moyen. By all means. Par tous les moyens. By all means. Par tous les moyens. Hallelujah. Are you with me? Es-tu avec By moi? All means, you find a way. Par tous les moyens, tu vas trouver un chemin. Yeah. And you see, when you see people. Et vous voyez, quand vous voyez les gens. Sometimes I'm amazed. Parfois, je suis étonné. That they will be able to do something. Ils seront capables de faire certaines choses pour eux-mêmes. But they can't do it for God. Mais ils ne peuvent pas faire cela pour Dieu. Yeah. Yeah. Hallelujah. Amen. Yeah. All of us, we do that. Nous tous ici, nous le faisons. If it's for you, it's possible. Si c'est pour toi, c'est possible. But if it's for God, it's not possible. Si c'est pour Dieu, c'est pas possible. Yeah. Sunday morning, if it's for you, you will do it. Dimanche matin, si c'est pour toi, tu vas le faire. But if it's for God, no, it's not. Si c'est pour I can't Dieu, do it. Tu dis, oh non, je ne peux pas le faire. I can't do it. Je ne peux pas le faire. Hallelujah. Mm. Yeah. Yeah. Hallelujah. Amen. From today. À partir d'aujourd'hui. No more excuses. Plus d'excuses. No more. Plus d'excuses. No more. Plus d'excuses. No more. Pray that God will help you not to make an excuse. Prie que Dieu t'aide à ne pas donner des excuses. Yeah. Because if somebody doesn't want to come to church. Parce que si une personne ne veut pas venir à l'église. And he closes his eyes. Et ferme ses yeux. You will feel a headache. Tu auras les maux de tête. Sometimes people look for excuses not to come. Parfois les gens cherchent des excuses pour ne pas venir. Hey pastor, I just feel my ear is paining me. Tu dis, oh pasteur, j'ai juste senti que ici ça me fait mal. If they don't want to come to church, they will lie down and you start to say, oh. Si ne veut pas venir à l'église, ils vont s'allonger et ils vont chercher, ils vont voir que ici là, then they will feel some pain. They will feel some pain. Ils vont sentir une douleur. You feel it. Il va sentir cette douleur là. If you want to feel a pain, you feel a pain. Tu veux sentir une douleur ici, tu vas la sentir. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah. If you want to find, you will find it. Si tu veux trouver, tu vas trouver cette chose. You just lie down and sleep small. Tu vas juste allonger et dormir un peu. And then get up. Et te lever. You see that when you get up, then. Tu vois que quand tu te lèves. Okay, my neck. Tu vois que okay, mon cou. Oh, pastor, I can't lift my hands when I come. Pastor, je ne peux pas lever ma main. I can't say, adieu soit la gloire. I can't say. Je ne peux pas dire adieu soit la gloire. People, les gens, hey. There's an amazing excuse that people give. Il y a certaines excuses étonnantes que les gens donnent. They will call. Ils vont appeler. Father, père. Somebody has invited me to Lighthouse. Quelqu'un m'a invité à Lighthouse. He knows that the father doesn't like Lighthouse. Et il sait que le père n'aime pas Lighthouse. But Stéphane has been forcing him. Mais Stéphane l'a forcé. Allons à l'église. Okay, he came. Once. Donc il est venu he une came fois. Twice. Il est venu deux fois. Then he called. He didn't want to come again. Après il ne voulait plus venir. He will call. Donc oh, il appelle. They've invited me to Lighthouse. I've gone there once, twice. Il a invité à Lighthouse. Je suis allé là-bas And une he fois, knows deux that fois. The father will say, no, don't go again. Et il sait que le père va dire non, ne va plus. Oh, man, why are you going to Lighthouse? No, don't go to that church. No, pourquoi tu pars à Lighthouse? Okay, tu pars okay. À Lighthouse. Il va dire ok. Stéphane. Okay, okay. Stéphane. My daddy said. Mon père a dit. I was born. Mon père a dit, j'ai été in Presbyterian church. Je suis né dans l'église presbytérienne. We all go to Presbyterian. Nous allons tous à presbytérienne. But you know that you don't go to Presbyterian. Donc tu sais que tu ne vas pas à l'église presbytérienne. You are not there. Tu n'es pas là-bas. Your parents are going, but you don't go. Tes pères ils vont, mais you toi know tu it. Ne vas pas. Tu le sais. Then you are laughing. Oh Stéphane, comment oh, Stéphane, tu comment vas? Stéphane, comment vas-tu? But at first, when they call you, mais premièrement, quand when they call you, you don't want to answer. Parfois, quand t'appelles, tu ne voulais pas one, répondre. Et maintenant, là, c'est toi qui vas appeler Stéphane. Daddy said, papa a dit, I shouldn't come to that church. Que je ne dois pas venir dans I cette should église. Go to my church. Je dois aller dans mon église. Yeah. And you know that when you don't come here, you won't go anywhere. Et tu sais que quand tu ne viens pas ici, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. But the same people, même personne, they will go to nightclub. Ils vont aller dans les boîtes de nuit. They will not call daddy. Ils ne vont pas appeler papa. They will not call daddy. Ils ne vont pas appeler papa. Yeah. They will go and take a girl. Ils vont aller prendre une fille. Then they will fornicate. Et ils vont forniquer. They won't call daddy. Ils ne vont pas appeler papa. They will go and drink. Ils vont aller boire. They won't call daddy. Ils ne vont pas appeler papa. They will go and smoke in ganja. Ils vont aller fumer la ganja. In janga or in ganja. In janga ou dans la ganja. Which one? Laquelle? Is that where? Yeah. Huh? They won't call daddy. Ils ne vont pas appeler papa. Excuses. Les excuses. Excuses. Les excuses. If you want to look for an excuse, you'll get. Si tu veux trouver une excuse, tu vas en trouver. Yeah, you'll get. Tu vas en trouver. So if you want to do it, donc si tu veux le faire, you can also do it. Tu peux aussi le faire. Hallelujah. Amen. If you want to come, you can come. Si tu veux venir, tu peux venir. Yeah. It's possible. C'est possible. Yeah. This lady, she said, this nice fille, lady. Chadienne. Cette jolie fille. She said she can't sing. Elle disait qu'elle ne peut pas chanter. Faut lui demander. She has all sorts of excuses. Elle avait tout genre d'excuses. Yeah. Hallelujah. But today she can sing solo. Mais aujourd'hui elle peut chanter solo. Look at her. Regardez-la. Yeah. Who said you can't do it? Qui a dit que tu ne peux pas le faire? Who said you can't do it? Qui a dit que tu ne peux pas le faire? Yeah. Who said you can't do it? Qui a dit que tu ne peux pas le faire? Anything you can do. Toute chose tu peux faire. Yeah, anything. Toute chose. Yeah, the girl who say hallelujah là-bas. La fille qui dit alléluia là-bas. She says she can't do basso. Elle a dit que elle peut faire cellule. Look at her. Regardez-la. She says she can't do it. Elle dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Today she's basso leader. Mais aujourd'hui elle est leader de cellule. Yeah, who said you can't do it? Elle dit que tu peux le faire. Tu peux le faire. You understand? Est-ce que tu comprends? There's nothing that you can do. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire. So don't let the devil deceive you. Donc ne laisse pas le diable te tromper. And don't let laziness. Et ne laisse pas la paresse. And stupidity. Et la stupidité. Laziness and stupidity. La paresse et la stupidité. It will not help you. Ça ne va pas t'aider. Hallelujah. Amen. From today. À partir d'aujourd'hui. Be a can-do person. Sois une personne qui peut everywhere. Faire. Everywhere. Partout. I can be a wife. Je peux être une femme. I can be a good wife. Je peux être une bonne femme. Tell yourself, I can be a good wife. Dis à toi-même, je peux être une It's bonne possible. Femme. Je peux être une bonne épouse. I'll find ways. Je vais trouver un moyen. To be a good wife. D'être une bonne épouse. By the grace of God. Par la grâce de he Dieu. He that is in me. Celui qui est en moi. Is greater. Il est plus than grand. He that is in que celui qui est dans le monde. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I can do it. Je peux le faire. Yeah, you can do it. Who said you can't? Qui a dit que tu ne peux pas? Who's deceiving you? Qui te trompe? Told you. Qui t'a dit? It's the devil is telling you. C'est le diable qui te dit. It's not God. It's Ce n'est pas devil. Dieu. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Compel yourself. Contrains-toi. Force toi-même. Yourself. Force-toi. Be forceful. Et force-toi. Amen. Amen. In everything, be forceful. Don't toute chose et Don't force-toi. Give up. N'abandonne pas. Don't be afraid. N'aie pas peur. You will not die. Tu ne vas pas mourir. I always say that. That's why we have exam. Je dis toujours que voilà pourquoi nous avons des examens. Exam. Des examens. Yeah. You have to always overcome a challenge to go for it. Tu dois toujours surmonter un challenge pour An aller de là. Exam is a form of challenge. Et les examens c'est une forme of de challenge. Situation. C'est un exemple de situation difficile. Learn, learn, and then overcome. Then you see that you are going forward. Donc tu dois apprendre et surmonter et tu vois que tu vas de l'avant. Yeah. So if you are a can-do person. Donc si tu es une personne qui peut faire. Promotion. Tu auras la promotion. Yeah, you move forward. Tu vas aller de l'avant. In this life. Dans cette vie. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Êtes-vous béni? Please stand up. Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Yeah. Please close your eyes. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. And thank God. Et remerciez le Seigneur. That is possible. Que c'est possible. It's possible. C'est possible. Thank God that it's possible. Remercie Dieu que you c'est can possible. Do it. Tu peux le faire. You can overcome excuses. Tu peux surmonter les excuses. To do the will of God. Faire la volonté de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank God. Remercie Father, Dieu. Father, we bless you. Thank you. That you call us. You call us to do. You call us. You call us to do your will. And you've given us the ability, the Holy Spirit in us, to do your will. Lord, help us to be Kando people, to be Anakazo people, to Anakazo ourselves in every situation, and to Anakazo other people into the kingdom in the name of Jesus. Father, we will not be overcome by excuses, but we will overcome excuses in the name of Jesus. But from today, we'll be able to compel people, be able to be forceful in winning souls, win more souls. No more excuses. We can do it. Father, we thank you and we bless you. In the name of Jesus. With the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Please close your eyes. S'il vous plaît, fermez les yeux. And you know that you're not born again. Si tu es ici et tu sais que tu n'es pas somebody né de invited you. Quelqu'un t'a invité. And you are here. Et tu es ici. I want to give you the opportunity. Je veux te donner l'opportunité. To give your life to Christ. De donner ta vie à Christ. The Bible says, la Bible dit, except a man be born again, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, see the kingdom of God. Il ne peut voir le royaume de Dieu. And if you believe in Jesus, si tu crois en Jésus, Jesus came to die for us, Jésus est venu mourir pour and nous to save us, et pour nous sauver from hellfire, du feu de l'enfer. And tonight you don't want to go to hellfire. Et aujourd'hui tu ne veux pas aller au God feu de l'enfer. God is calling you. Dieu t'appelle. He said that he loves you so much. Il dit qu'il t'aime tellement. That he gave Jesus. Il a donné Jésus. To save you. Pour te sauver. Tonight, if you are here. Et ce soir, si tu es ici. And you believe. Et tu crois. And you want to be saved. Et tu veux être sauvé. I want you to lift up your hands. Je veux que tu lèves tes mains. Pray a simple prayer. Et nous allons prier une prière simple. You want to say God. Tu veux dire Dieu. I want to save you. Je veux te servir. I want to give you my life. Je veux te donner ma vie. From today, à partir d'aujourd'hui, I want my life to belong to you. Je veux ma vie. Je veux que ma vie if you are here, si tu es ici, lift up your hands. Lève ta main. I want to pray before je we go. Prier avant que nous allions. You know in your heart, tu sais dans ton cœur, that you are not born again. Que tu n'es pas né de nouveau. You know in your heart, tu sais dans ton cœur, that you are far away from God. Tu es très loin de you Dieu. You know in your heart, tu sais dans ton cœur, that if God should come today, que si Jesus Dieu vient aujourd'hui, today, si Jésus revient aujourd'hui, you are not ready. Tu n'es pas prêt. If you want to give your life, tu veux donner ta vie, lift up your hands. Lève ta main. Before we go, avant que nous partons. Before we go, avant que nous partons. Father, we bless you. We honor you. We give you all the glory. In the name of Jesus. Amen.